Il est toujours difficile de faire confiance. Entre amour et amitié, on s'arrange pour ne pas être triste pour une conne, conne, conne, conne. C'est la triste réalité. Et si tu te fais des films, assure ta fidélité, paie la place. Mais vaut mieux se méfier. Choisis bien tes amis avant qu'une telle te déçoive. Ça finit par arriver, prévenance. Je préfère galérer toute seule qu'être entourée de six gens. Jeune africaine essaie seulement de s'en tirer. À défaut de remonter dans le temps, j'ai laissé mes erreurs derrière moi. Se retourner si tentant, mais perso j'ai déjà fait mon choix. Je préfère oublier, oublier, oublier. Face à la vérité, fini l'époque où je faisais tout pour toi. Je me faisais mal à la tête, j'ai préféré t'oublier. Fini l'époque où t'étais tout pour moi. Se retourner, si ton temps, mais j'ai déjà fait mon choix. Faire confiance pour finir brisé, le choix est vite fait. Je préfère galérer toute seule qu'être entourée de ces gens. Jeune africaine essaie seulement de ceinture. À défaut de remonter dans le temps, j'ai laissé mes erreurs derrière moi. Se retourner si tentant, mais perso j'ai déjà fait mon choix. Je préfère oublier, oublier, oublier. Retourner si t'entends. Mauvaise attitude, jamais habituée. Ma mère me dit d'aller de l'avant.